Bonne fin d'après-midi à tous. C'est Violette en votre compagnie, comme chaque mercredi de 18h à 19h30. Pas d'émission littéraire, vous l'avez constaté. Toute l'équipe prend quelques jours de vacances. Vous les retrouverez très prochainement. On les salue. Et on vient de commencer cette émission traditionnelle avec le titre For Yann, un titre d'une formation qui s'appelle Fourth Moon. Je vous propose de rester dans cette ambiance celtique avec la formation Otridal et le titre Kiba Perden. Voilà, il ne faut pas s'y fier. Ce n'est pas parce que l'émission s'appelle traditionnelle que tous les morceaux sont strictement traditionnels. Et on a voilà des petites pointes un petit peu plus rock que dans, comme dans ce morceau de la formation O Tridal. Je vous propose de poursuivre avec le groupe Ma Petite et le titre Trois jeunes garçons. Ce sont trois jeunes garçons qui s'en vont au service. Ce sont trois jeunes garçons qui s'en vont au service. Et ils s'en vont au service, servir la nation. Regret dans leur maîtresse, leur petit cœur mignon. Le plus jeune des trois regrette fort la sienne. Jeune des trois regrette fort la sienne. Et regrette fort la sienne sans pouvoir la quitter. Demanda son capitaine d'aller la consoler. Bonsoir mon capitaine, je suis de retour ici. Nanette est morte, j'ai plus rien dans ma vie. Son capitaine lui dit, mon petit soldat courage. Son capitaine lui dit, mon petit soldat courage. Mon petit soldat courage, tu resteras ici. Je veillerai sur toi tant que durera ma vie. Le groupe Ma Petite, avec un joli titre et l'occasion d'ouvrir une petite page musicale consacrée à la guerre. Et forcément, dans les chansons traditionnelles, c'est un thème qui revient assez souvent, et le lundi prochain, c'est l'armistice. Voilà, donc pour non pas célébrer, mais pour commémorer ce moment, et bien quelques titres. Et sur le dernier album du Hamon Martin Quintet que je vous fais découvrir depuis quelques semaines, un album qui s'appelle Clameur, eh bien, on retrouve aussi quelques titres sur ce thème. Voici La Complainte du Partisan. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Mais je n'ai pas pu, et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Vous qui le savez, effacez mon passage. De nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Mais j'ai tant d'amis, et j'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, où la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Les Allemands l'ont pris, il est mort. I have changed my name so often, I have lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I must go. Encore nous étions trois, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond. Et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Les

Voilà, c'était la petite page musicale spéciale à commémoration de l'armistice avec Beat-Boîte Trio, le titre à l'armée, voilà, qui n'incite pas forcément à y aller à l'armée. On va rester sur des choses pas forcément beaucoup plus gaies, puisqu'on va parler d'un musicien qui nous a quittés la semaine dernière. Il s'appelle Yves Leblanc. On avait eu l'occasion de le voir sur la région pour des stages, pour une conférence. Il devait revenir pour un bal au mois de janvier. Et voilà, malheureusement, il ne reviendra pas. Donc, mais il restera sur ses enregistrements de bien jolies chansons à réécouter. Voici le titre « Pour une danse », Yves Leblanc. Danser, c'est toute ma vie, oui, mais danser avec elle, c'est un peu monter au ciel, taquiner le paradis. Oui, moi, je ferai n'importe quoi pour me retrouver une fois dans tes bras. Je ferai tout ce que tu voudras. Et déjà, en temps normal, une danse, c'est génial. Fois dans ses bras, rien n'égalera jamais ça. Pour une danse, une valse avec toi, oui, moi je ferai n'importe quoi. Pour me trouver une fois dans tes bras, je ferai tout ce que tu voudras. Je danserai une danse éternelle. Je danserai avant mourir pour retrouver son sourire. Pour une danse, une valse avec toi, oui, moi je ferai n'importe quoi. Pour me trouver une fois dans tes bras, je ferai tout ce que tu voudras. Rien n'existe, seulement elle et la musique. Pour une danse, une valse avec toi, oui, moi je ferai n'importe quoi. Pour me retrouver une fois dans tes bras, je ferai tout ce que tu voudras. Que ça s'arrête, que se termine la fête. Quand arrive le dernier pas, c'est ma vie qui finit là. Pour une danse, une valse avec toi, oui, moi je ferai n'importe quoi. Pour me trouver une fois dans tes bras, je ferai tout ce que tu voudras. Que ça s'arrête, que se termine la fête. quand arrive le dernier pas, c'est ma vie qui finit là. Voilà, et malheureusement, eh bien, sa vie, c'est terminé. Et on réécoutera une petite chanson d'Yves Leblanc tout à l'heure, qui avait de nombreuses casquettes, puisque il était capable de donner des conférences, d'apprendre, de mener un cours de danse, d'animer un bal. Et voilà, plein de choses qu'il savait faire. On le réécoutera tout à l'heure. On poursuit avec une formation belge, la formation Griff Trio, qui nous interprète L'argent du meunier. Venant des prés, le meunier revenant des prés vint trouver son lit tout défait sur la roue du moulin, sur les sacs de blé. Vint trouver son lit tout défait, c'est de sa femme et de son valet, c'est de sa femme et de son valet. Valet, valet, tu partiras sur la roue du moulin, sur les sacs de blé. Valet, valet, tu partiras, oui, d'à mon maître, comme tu voudras, oui, d'à mon maître, quand tu voudras. Sans écu d'or, tu me compteras sur la roue du moulin, sur les sacs de blé. Sans écu d'or, tu me compteras, valet, valet, tu resteras, valet, valet, tu resteras. Avec la bonne, tu coucheras sur la roue du moulin, sur les sacs de blé. Avec la bonne, tu coucheras, avec la bonne, tu coucheras, avec la bonne, tu coucheras. Avec ma femme, quand tu pourras, sur la roue du moulin, sur les sacs de blé. Avec ma femme, quand tu pourras, et la voisine, pour de l'argent, et la voisine. Pour de l'argent, le meunier s'en retourna ses champs sur la roue du moulin, sur les sacs de blé. Le meunier s'en retourna ses champs. Thank you. Voilà, pour mettre un petit peu de gaieté dans toute cette programmation, c'était La Belle Image avec le titre Mi Manguelito. Et le prochain morceau, eh bien, il dit ce que je dis souvent de faire aussi, il faut danser. Voici Spi et la Gaudriole. Ses semelles. Il faut danser dans les ruelles jusqu'à faire fondre ses semelles. Il faut danser à perdre haleine et même jusqu'à perdre la haine. Il faut danser à perdre haleine et même jusqu'à perdre la haine. Y'en a qui font la révolution à grands coups de canon. Moi je préfère l'explosion de joie du peuple qui s'éclate. Les boîtes, les unis, jambistes, les cul-de-jatte sont sur la piste. Les boîtes, les unis, jambistes, les cul-de-jatte sont sur la piste. On peut danser sur ses deux mains, cela n'est pas jeu de vilain. On peut danser sur ses deux mains, cela n'est pas jeu de vilain. Y'en a qui font la révolution à grands coups de canon. Moi je préfère l'explosion de joie du peuple qui s'éclate. Quand je vois danser la foule, ça me donne la chair de poule. Viens donc rejoindre les fous, comme on donne le récup. Il n'y a pas d'injustice, que l'on soit pauvre, que l'on soit riche. En danse, il n'y a pas d'injustice, que l'on soit pauvre, que l'on soit riche. Chacun avec sa partenaire devient maître de l'univers. Chacun avec sa partenaire devient maître de l'univers. Il y en a qui font la révolution à grands coups de canon. Moi je préfère l'explosion de joie du peuple qui s'éclate. Il faut danser toute la journée pour pas devenir neurasthénique. Il faut danser toute la journée pour pas devenir neurasthénique. Et ainsi d'année en année s'offrir une vie sabbatique. Et ainsi d'année en année s'offrir une vie sabbatique. Y'en a qui font la révolution à grands coups de canon. Moi je préfère l'explosion de joie du peuple qui s'éclate. Quand je vois danser la foule, ça me donne la chair de poule. Viens donc rejoindre les fous. La solitude obligatoire interdit de faire les primates. La solitude obligatoire interdit de faire les primates. Chaque danseur sans le savoir piétine les lois scélérates. Chaque danseur sans le savoir piétine les lois scélérates. Harcelé par l'esprit bourgeois, conservateur et rapageois. Harcelé par l'esprit bourgeois, conservateur et rapageois. On forme le cercle d'alliance et l'on s'évanouit dans la transe. Et l'on s'évanouit dans la transe. Et l'on se retrouve en enfance. Et l'on se retrouve en enfance. Toute la vie c'est les vacances. Toute la vie c'est les vacances. Toute la vie c'est les vacances. Je vois danser la foule, ça me donne la chair de poule. Viens donc rejoindre les fous. Come on, bring on the wrecking crew. Quand je vois danser la foule, ça me donne la chair de poule. Viens donc rejoindre les fous. Tu verras comme ça défoule. Viens donc rejoindre les fous, come on boy on the wrecking crew. Yeah. Voilà quelque chose de beaucoup plus festif avec un extrait de l'album Tribalité. Et pour les danseurs, c'était un rondo. Dans traditionnel, on chante, on danse, on voyage. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de l'Espagne avec la formation Acetré et le titre La Casa de Moisés, la maison de Moisés, voilà où ça s'agite beaucoup et c'est assez animé aussi. Casa de Moisés, tengo plantado un geranio. Si el aire lo revolea, olores para todo el año. Si el aire lo revolea, olores para todo el año. Y abridme la puerta del zaguán, abridme, yo también quiero entrar. Casa de Moisés, yo te lo dije primero. El que no tiene cabeza no necesita sombrero. El que no tiene cabeza no necesita sombrero. Y abridme la puerta del zaguán, abridme, yo también quiero entrar. Abridme la puerta del zaguán.

La chanteuse bretonne Gwenine avec le titre New Andro. On se retrouve dans quelques minutes pour quelques idées de sortie, même si la période est assez calme, après ce titre de la formation Hot Griselda. Un petit peu bizarrement ce morceau. On va se retrouver pour quelques idées de sortie. Je vous l'ai dit, elles sont un petit peu rares en ce moment. La formation Radical Strapontin, toutes des batelières sauf maman, pour accompagner ces quelques idées de sortie. Alors si vous voulez aller danser le week-end prochain, eh bien il faut aller soit dans l'Indre, soit dans l'Indre-et-Loire, donc c'est tout de même assez loin. Pour le 16 novembre, voilà, on peut trouver un tout petit peu plus près avec un bal folk à Chalette-sur-Loing le samedi 16 novembre à 21h. Bal folk proposé par la Gaudie. Sinon, dans l'Indre, le bal d'automne du Schnut, c'est à Chassignoles, dans l'Indre, avec le duo Artense, le duo Chebou et Mauresque. Un fest-noz également le 16 novembre, mais dans le Cher, à Villeneuve-sur-Cher, à 21h, avec Céro Janvier et Ruse Réor. Et pour revenir sur le Loiret, eh bien, il faut attendre le 23 novembre avec un bal folk au profit du Téléthon. Ce sera à Orme de 20h à minuit avec Balbaze et FMR. Bal folk au profit du Téléthon le 23 novembre, on en reparlera. Allez, on termine le dimanche 24 novembre avec le bal folk de la casserole. C'est à Mont-Pré-Chambord, tout près de Chambord et dans le Loir-et-Cher, de 14h à 18h30 avec les pieds dans les bretelles et trop de balles. Ce qui n'est pas le cas en ce moment, il n'y a pas trop de balles. Voilà, 02 38 43 48 00, c'est notre numéro de téléphone. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur un des titres qui a été diffusé ou sur une des rares idées de sortie, on est ensemble jusqu'à 19h30. On poursuit avec Mes Aïeux. Mes Aïeux, c'était une formation québécoise il y a quelques années. Ils avaient sorti l'album La Ligne Orange en référence à une ligne de métro. Et sur cet album, j'ai choisi de vous faire entendre Le Déni de l'Évidence, un titre, voilà, si on réfléchit, on oublie parfois des choses qui sont évidentes, et notamment en ce qui concerne notre avenir, les problématiques d'environnement et un petit peu tout ça, voilà. Le Déni de l'Évidence, la formation Mes Aïeux. 9, 8, 7, 6, 5. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde le sait, ce que personne veut voir maintenant. Je veux pas le savoir, tu veux pas le savoir maintenant. Tout le monde le sait, mais personne veut le voir pour l'instant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire maintenant. Je veux pas m'en faire, tu veux pas t'en faire maintenant. Tout le monde le sait, ce qu'il nous faudrait faire, mais pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Tu veux rien de voir maintenant. Tout le monde sait qu'ils font pas leur devoir maintenant. Je veux rien de voir, tu veux rien de voir maintenant. Tout le monde remet son devoir à la main pour l'instant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se lever maintenant. Je veux pas me lever, tu veux pas te lever maintenant. Tout le monde sait qu'il faudra se lever, mais pour l'instant. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Tu danses à l'énergie que tu dépenses. Pense le temps que tu prends pendant que les aiguilles avancent. tactique politique économique sans éthique. Tactique politique économique sans éthique. Cynique et diapathique, mais cynique et diapathique. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Danse quand tu danses à l'énergie que tu dépenses. Voilà, j'espère que vous avez écouté un petit peu les paroles de cette chanson. Et si on change tous un petit quelque chose, eh bien peut-être qu'à la fin, ça peut faire un grand quelque chose. On poursuit avec une des nouveautés du moment. C'est un groupe qui s'appelle Guape Cuarto, qui sort son album en ce mois de novembre. On pourra les retrouver du côté de Paris au Café de la Danse. Voilà, c'est peut-être un petit peu loin pour aller les écouter. En tout cas, on peut les écouter dans cette émission traditionnelle. Voici le titre Vlado. le jure, un message me transmis qui me dit c'est fini. Anna est partie, elle est morte aujourd'hui. Elle a fait le grand saut, est partie pour là-haut. Tu es partie, Nona, tu as quitté la terre. Pour moi, tu resteras la Nona bulldozer. La Nona, c'était quelqu'un, une femme que j'aimais bien. C'était un personnage qui avait beaucoup de courage. Il y a des gens qui toujours ont une vie d'amour. Elle avait eu, je crois, une vie qu'on ne souhaitait pas. Tu es parti, Nona, tu as quitté la terre. Pour moi, tu resteras la Nona bulldozer. Nona, tu as quitté la terre. Pour moi, tu resteras la Nona bulldozer. Tu es parti, Nona, tu as quitté la terre. Pour moi, tu resteras la Nona bulldozer. Voilà, je pourrais presque utiliser les paroles de la chanson, puisqu'Yves Yves Leblanc nous a quittés. On le retrouvait avec ce titre, La Nona, qui se trouve sur l'album Pour une danse. On poursuit avec un petit tour par le Québec à nouveau. Nicolas Pellerin et les grands hurleurs entre la rivière et le bois. Celui qui sauvera ma brebis aura mes amours belles. Le forestier du bois l'entend, en sage son sabre. Il a coupé la gorge au loup, la brebis est sauvée. Quand ma brebis sera tousée, vous en aurez la laine. Vous en aurez la laine, Manouison. Je ne suis point marchand drapier. Je ne suis point

la lune lente, ta lune bleue. Et le mardi, on tape la navette. Et le mardi, on tape la navette. Et le mardi, on tape la navette. Et le mardi, on tape la navette. Le mercredi, on boit la chopinette. Et la dilalilance, ta lune bleue. Le mercredi, on boit la chopinette. Dilalilance, ta lune bleue. Le mercredi, on boit la chopinette. Le mercredi, on voit la chopinette. Et le mercredi, on voit la chopinette. Et le mercredi, on voit la chopinette. Et le jeudi, on a mal à la tête. Et dilalilance, dalilo. Et le jeudi, on a mal à la tête. Dilalilance, dalilo. Et le jeudi, on a mal à la tête. Et le jeudi, on a mal à la tête. Et le jeudi, on a mal à la tête. Et le jeudi, on a mal à la tête. Le vendredi, on va voir la chérie, que l'on le dit. Dilalilance, dalilo. Le vendredi, on va voir la chérie. Dilalilance, dalilo. Le vendredi, on va voir la chérie. Et le vendredi, on va voir la chérie. Et le vendredi, on va voir la chérie. Et le vendredi, on va voir la chérie. Le samedi, on va à la grand-messe. Dilalilance, dalilo. Le samedi, on va à la grand-messe. Dilalilance, dalilo. Le samedi, on va à la grand-messe. Le samedi, on va à la grand-messe. Le samedi, on va à la grand-messe. Le samedi, on va à la grand-messe. Et le dimanche, la semaine est bien faite. Et l'on le dit, la lit de lance, la lit de l'eau. Et le dimanche, la semaine est bien faite. La lit de lance, la lit de l'eau. Et le dimanche, la semaine est bien faite. Et puis le dimanche, la semaine est bien faite. Et puis le lundi, on recommence la semaine. Et l'on le dit, la lune lance, la lune l'eau. Et le lundi, on recommence la semaine. La lune lance, la lune l'eau. Voilà, une semaine de passé et une émission de passé. Il va être l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission traditionnelle. J'espère donc vous retrouver la semaine prochaine à la même heure, 18h-19h30. Une fois n'est pas coutume, voilà, j'ai reçu un petit coup de fil. On m'a demandé de faire une petite dédicace. Alors, exceptionnellement, de la part de Dimitri et de Diana pour Jean-Pierre, pour son anniversaire. Eh bien, j'offre le prochain morceau qui s'appelle You Are My Best Friend. Vous êtes mon meilleur ami. En tout cas, chaque semaine, j'ai plaisir à être en votre compagnie. Alors, pour Jean-Pierre, cette chanson, pour tous, une excellente soirée, une excellente semaine et à très bientôt. La formation The Horns, une formation canadienne pour se quitter ce soir. Make me live whatever this world can give to me. It's you, you're all I see. Ooh, you make me live now, honey. Ooh, you make me live. Oh, you're the best friend that I ever had. I've been with you such a long time. You're my sunshine, and I want you to know that my feelings are true. I really love you. You're my best friend. Ooh, you make me live. Oh, I've been wandering round. Still, in rain or shine, you've stood by me, girl. To help me forgive. Ooh, you live now, honey. Ooh, you make me live. Oh, you're the first one. When things turn out bad, you know I'll never be lonely. You're my only one, and I love the things. I really love the things that you do. You're my best friend. Ooh, you make me live. I'm happy. Best friend. Ooh, you make me live. Ooh, you're my best friend. Papa, papa, papa, papa, papa, papa. Votre soirée se poursuit avec les programmes de RDP. Excellente soirée à vous.